Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet du Pré 1861. Question 32. Des causes de la joie ou de la délectation. Ces causes sont l'opération, le mouvement, l'espérance et la mémoire, la tristesse, les actions d'autrui, la bienfaisance, la ressemblance et l'admiration. 1. L'opération est-elle la cause propre de la délectation? La délectation implique l'acquisition d'un bien qui convient et la connaissance de cette acquisition. Or, ces deux choses sont deux opérations. D'ailleurs, l'opération propre à chaque être est par elle-même un bien convenable. Ainsi toute délectation a sa source et sa cause dans l'opération. Note. Une chose ne nous est agréable que tant qu'elle nous est unie, soit par la connaissance seule, soit par la connaissance jointe à l'acquisition. Les richesses, les dignités ne plaisent que tant qu'on en est le possesseur et qu'on le sait. On aime à penser que l'on se sert ou qu'on peut se servir de tel bien, ce qui suppose toujours une opération quelconque. Une œuvre que l'on médite ne cause du plaisir que tant que l'on en considère l'accomplissement, et cela nous ramène encore à un usage ou à une opération. Ajoutons seulement que l'opération, pour être agréable, doit être proportionnée à la nature de l'agent, que, du moment où elle la dépasse, elle devient pénible, et qu'alors elle appelle le repos ou les jeux, qui enlèvent les tristesses causées par la fatigue. Fin de la note. 2. Le mouvement est-il une cause de délectation? 3 conditions concourent à la délectation, un bien convenable, l'union avec ce bien, et la connaissance de cette union. Or, sous ces 3 rapports, le mouvement ou le changement produit la délectation. Sous le rapport du bien qui convient, le mouvement nous est agréable. Notre nature n'est point immuable, ce qui lui convient dans un temps ne lui conviendra plus dans un autre. Ainsi, en été, on s'éloigne du feu, qui est agréable en hiver. Sous le rapport de l'union avec le bien, le changement nous est agréable dès qu'un bien, par la continuité de sa présence et de son action, dépasse la juste mesure. Sous le rapport de la connaissance de notre union avec le bien, le mouvement a aussi son avantage. Certaines choses ne peuvent se connaître que successivement, parce qu'on ne peut les embrasser entièrement à la fois. Nous aimons à les voir varier, afin que, leurs divers aspects tombant successivement sous nos sens, nous arrivions par là à les connaître aussi parfaitement que possible. Toutefois, pour un être immuable dont la nature ne pourrait être dépassée par la jouissance la plus prolongée et qui embrasserait les objets dans toute leur étendue, le changement n'aurait aucun charme. Aussi, plus les créatures se rapprochent de ce type, plus leurs délectations peuvent être prolongées. Note. L'âme humaine est immortelle, elle aspire au bonheur infini. Dieu seul peut suffire à ce besoin qu'elle éprouve. C'est dans ce désir immense qu'a l'homme du bonheur, et dans l'impuissance des créatures à le lui donner, que nous trouvons le secret de l'inconstance qui agite sans cesse la vie humaine. Conferbelwino. Fin de la note. 3. L'espérance et la mémoire sont-elles des causes de délectation? Saint Paul a dit, « Réjouissez-vous dans l'espérance », Romains 12, 12, et le psalmiste, « Me souvenant de Dieu, je me suis délecté », Psaume 76, 4. Par l'espérance, en effet, nous jouissons non seulement de la perception d'un bien, mais encore de la possibilité de l'obtenir, et par la mémoire nous percevons encore un bien qui s'unit à nous. Note. L'amour et le désir sont, comme l'espérance, des causes de délectation. Le bien que l'on aime cause du plaisir par les rapports intimes qui s'établissent entre lui et le cœur aimant. Le bien que l'on désire cause aussi du plaisir, on ne désire que ce qui plaît, mais l'espérance, en tant qu'elle renferme l'assurance de posséder un jour le bien qui convient, compte au nombre des causes de la délectation plus que l'amour, le désir et le souvenir, qui n'ont pas la même certitude. Fin de la note. 4. La tristesse est-elle une cause de délectation? La tristesse présente est une cause de délectation en tant qu'elle rappelle une chose aimée dont l'absence afflige, mais dont la seule idée réjouit. La tristesse passée, en rappelant la délivrance des maux endurés, nous apporte aussi du plaisir. Souvent, dit saint Augustin, nous nous rappelons nos tristesses avec joie, nos souffrances avec plaisir, et ce souvenir augmente notre bonheur et notre reconnaissance. Plus les dangers du combat ont été grands, plus est grande la joie dans la victoire. 5. Les actions d'autrui nous sont-elles une cause de délectation? Les actions d'autrui peuvent nous être une cause de délectation dans trois cas. Premièrement, dès qu'elles nous procurent un bien, ainsi celles des personnes qui nous rendent service nous sont agréables. Deuxièmement, lorsqu'elles nous font connaître ou estimer notre propre bien. Si les hommes aiment les louanges et les honneurs, c'est que ces témoignages extérieurs leur paraissent une preuve du bien qui est en eux, et s'ils trouvent de la joie surtout dans les éloges des gens de bien et des sages, c'est qu'ils voient là une plus juste appréciation de leur mérite. La satisfaction qu'ils éprouvent d'être aimés et admirés par les autres vient encore de ce que, l'amour ayant pour objet ce qui est bon, et l'admiration ce qui est grand, les témoignages d'amour et d'admiration font naître en eux l'opinion de leur bonté et de leur grandeur. Troisièmement, les bonnes actions nous sont agréables chez nos amis, que nous regardons comme d'autres nous-mêmes, et les mauvaises chez nos ennemis, à cause de la haine qui nous rend contents de leurs maux. 6. Nos actes de bienfaisance nous sont-ils une cause de délectation? Les actes de bienfaisance sont une cause de délectation de trois manières. Premièrement, par leur effet, en vertu de l'amour qui nous fait regarder comme notre le bien de ceux que nous aimons. En second lieu, par leur fin, en faisant du bien à autrui, nous attendons une récompense de Dieu ou des hommes. Or, l'espérance est une cause de joie. Enfin, par leurs principes, qui sont la faculté même de faire du bien, laquelle suppose chez nous des biens surabondants, l'habitude, qui nous rend la bienfaisance pour ainsi dire naturelle, et le motif, qui est ordinairement l'amour de quelqu'un. Tout ce que nous faisons ou souffrons pour un ami nous est agréable. Note. Les actions qui nuisent au prochain ne nous causent du plaisir que par l'idée du bien qui nous en revient. Fin de la note. 7. La ressemblance est-elle une cause de délectation? La ressemblance produit la délectation, dès qu'elle est une cause d'amour, ainsi l'homme est agréable à l'homme, les jeunes gens se plaisent avec les jeunes gens, mais, du moment que, par notre ressemblance avec un autre, nous paraissons porter atteinte à son bien propre, nous lui devenons un sujet de haine ou de tristesse. 8. L'admiration est-elle une cause de délectation? L'admiration est signalée par Aristote comme une cause de délectation. Elle en est une, en effet, lorsqu'elle est accompagnée de l'espoir de connaître la cause de l'effet dont on est témoin. Le merveilleux nous plaît comme une chose rare, et nous aimons à rapprocher l'effet de sa cause. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.